Ya. Kivut pisse pianso, so, soldat, so, bete, so, kota, so, bene, so, netwa, so, fresh. J'ai fait passer les tagas, protéger, rentrer les chatons, la rue passe sans mytho, sans télé, sans radio, sans télé, pendez-les, pendez-les. Oh, écoute, ces mecs sont dingues, lion dans la jungle, ils restent tous de flinguer mon gang. Fumez-les, fumez-les, parlez à pas, fumez-les. En partie mort, les hommes de blanco qu'un bâtiment, mange tes coups d'air combattant, je sais jamais ce combattant. La vie est une bataille, on peut connaître quelqu'un quand le combattant. Ce qu'il faut faire, on le fait, mais tiens, tu restes froid. On n'est pas le meilleur quand on croit, on est le meilleur quand on le sait. Fais pas semblant nous chercher, on bouge pas, parle pas de flûte. On sait sa partie champion, et toute mon équipe retweet. I'm back, I'm back, motherfucker, I'm back. Comme un grand blanc dans la coin, pas rentre dans le coliseum. Google-moi jusqu'au bout des lèvres. Jaza et les quelques Sofiane le plus célèbre. Des étoiles au fond des télés, ferme ta gueule, histoire de juste pour voir, wow, wow. Au nom du yep, et du bras, et du bas, wow, wow. Qui veut toucher flamme, flamme, flamme, soldat. De quoi, ça dépend de qui, ça dépend de ouais. Loi ta vie dans de grands liquides, c'est toi qui décides. Si tu fais la vie, rien ne m'arrête, en bas de mon équipe. Toi qui tires à vie, toi qui fais pas de beat. Tu voulais ta place en game qui est, sauf que c'est pas le même billet. Accroche-toi et rejoins-nous en Champions League en NBA. Hey baby, mets ton barbade pour encaisser cette perceuse. Que je rentre dans ta vie, un cancer, problème à cette chercheuse. Les soucis sont pas les nôtres. T'attends que je me vaux du temps à faire le fier. Frère, tu reviendras sucer comme les autres. Dans ma bitch, moi j'suis solide comme mes pères, sous chalant comme on a, sous sème l'ADN, on a des DNA du talent. On parle tellement de moi, j'en ai du sang qui sort de l'oreille. Restant par l'instant, j'ai l'insulte facile, l'accent. Need money, gang, c'est la repasse et les 4400. Pourquoi tu me dois? Je dois rien à personne, j'ai pas d'ardoise. J'ai pas de rapport, ta copine, connard, mon flow c'est Star Wars. Pas de sécu, font les ballons, même claqué, je reste conducteur. La prod c'est pas la ville, le sud c'est pas les restos du cœur. Tiens le son, tiens le son. T'inquiète même pas, need money, gang.